Yo, yo, what's up? Take the mic again. Big up Super Mikey, pull it when you read him again, my friend. Welcome to Jesus Christ, the number one, that why me praise them. Enemies, the one attack, that why me burn them. Jesus Christ, the number one, that why me praise them. Take the mic again. He died on the cross, that's why me twassa. Jesus Christ, number one, this is my bossa. Died on the cross, that's why me twassa. Jesus Christ, number one, this is my bossa. Died on the cross, that's why me twassa. Jesus Christ, number one, this is my bossa. Died on the cross, that's why me twassa. Jesus Christ, number one, yo, yo. Take the mic off. When me talk about him, enemies are fly. Because the spirit with a God that put me high. Si démon l'a pas venu parce que nous qui brisons la yéhi que ça finit, confiez vos lives. Fais vieux l'esprit savent nous pas peine. Nous qu'on finit à d'un nom à papa non. Fais vieux l'esprit savent nous pas peine. Take the mic again, nous que ça brille. He died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, yo, yo. Mais où est passé l'évangile? Chanteur pasteur avec de plus en plus de paroles débiles. Ils utilisent le nom de Dieu dans le message mercantile. J'ai vu un chanteur qui invite les filles à danser bizarrement dans son clip sur son profil. Mais nous prenons fil et pour moi pas dit rien. Ne compte pas sur WhatsApp pour partager les liens. Take the mic again, mais nous connaître moins bien. À part Jésus Christ, je n'ai besoin de rien. He died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, yo yo. C'est qu'on s'entend pas, c'est. Si pas parler des money, pas rester en place. Comme si on est sauvé par l'argent et non par la grâce. Eh ben dis-moi pourquoi Jésus pas vina dans palace. Yo pas aimé l'humilité, yo veut drop scratch. Drop scratch, c'est pour sa message à yo plein cracasse. Café, yo veut plus yas, yo veut plus taillas. Yo doit pactiser et diable en face à face. Pour dénoncer un péché las. He died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, this is my bossa. Died on the cross, ça soit mes toi ça. Jesus Christ number one, yo yo. Ha, yo yo. What's up, Caribbean gospel music again. Super Mikey sur les régimes, yo yo. Tout ça n'est pas ton vérité là, yo mêlé. Parce que nous travaillons tout le temps. Vérité là, man, nous travaillons tout le temps. Take the mic again, so on les quota. Nous travaillons tout le temps. Même si Bobo a ou déjà ni quota. Nous qui pensons vérité là, take the mic. Take the mic again. Fellowship, ready, what's down on